excellente soirée à toutes et tous. Il est 18h36. N'oublie pas, tout à l'heure, Galaxy Live à partir de 20h. Ce sera avec Alex Hense. Et on fera un petit tour justement du côté du Guatemala. Il est 18h. Place tout de suite à l'interview avec Max Walder et Manu Kenton. Alors justement, nous avons Manu Kenton et Max Walder qui nous accompagnent jusqu'à 19h ce soir. Événement exceptionnel pour la présentation de leur nouvel album, leur premier album, devrais-je dire. Bonsoir Manu et Max. Salut Guillaume. Ça va bien ? Salut Guillaume. Tout va bien. Tout baigne ? Ouais, tout va bien. Bon, alors nous sommes ensemble donc durant une petite heure, 60 minutes, histoire de faire découvrir à nos éditeurs quel est votre nouvel album qui sortira très bientôt. Sorti, la semaine prochaine. Voilà, sortie CD le 10 mars et un vinyle ? Un triple vinyle, ouais. Le vinyle pour le mois d'avril. D'accord, pour le mois d'avril, donc pour tous les fans de vinyle, forcément, il y en a encore. Et ça sortira donc très bientôt sur le label Paradise Import. Le titre de l'album s'appelle All Night Long. Pourquoi All Night Long? Parce que toute la nuit. Parce qu'en fait, on a voulu faire un album qu'on peut mixer de 23h jusqu'à fin de soirée. Donc on a voulu commencer par des trucs un peu minimal, électro. Bah en fait, on va dire que en gros, grosso modo, il y a tous les styles de la musique électronique représentés dans sa globalité. D'accord. Que, ouais, ça va de l'électro à la techno en fait. Donc en fait, vraiment différents styles, très éclectiques. Avec de la schrantz. Avec la schrantz. Donc en fait, il y a un peu une progression en fait dans l'album. Tout à fait. C'est on commence avec le premier morceau et puis on termine vraiment assez hard. On commence à 130 ou 125 BPM, je sais plus, pour finir à 155. D'accord. Voilà. Combien de morceaux approximativement sur le nouvel album? Une vingtaine, je pense. Une vingtaine de morceaux. Ouais, en fait, il y en a 18 sur le CD, 12 sur le triple vinyle. D'accord. Ouais, et pour le vinyle donc qui sortira courant avril, il y aura tous les titres qui seront disponibles aussi ou alors non, certains non. Certains seulement. Ouais. D'accord. Et en plus, il y aura des remixes sur les vinyles. Donc vous avez travaillé avec d'autres artistes de la scène électronique? Ouais, des artistes régionaux comme Samuel Sanders, Lethal MG, QIC. D'accord, donc la majorité quand même des productions originales et puis quelques collaborations. Remix, ouais, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Bon, on va commencer avec le premier extrait justement de l'album qui s'appelle Dark Angel. Alors pourquoi Dark Angel, peut-être une petite anecdote pour ce titre-là? Je l'attendais celle-là. C'est le premier, il fallait le dire quand même. Non. Non, pas vraiment, juste comme ça en fait pour le fun. Sorti un petit peu. Donc tendance minimale quand même. Ouais, ce morceau-là il était fait il y a un an et demi. Ouais, je pense que c'était le premier morceau là qu'on a fait. Et donc ouais, il y a déjà un an et demi, c'est minimal, électro. Ouais. D'accord, donc tendance du moment en fait. Hein. Ouais. D'accord, Dark Angel tout de suite avec le premier extrait de l'album de Manu Kenton et de Max Walder sur Galaxy. C'est en exclusivité. Galaxy avec un instant Dark Angel, extrait du premier album de Max Holder et de Manu Kenton qui sera disponible en CD à partir du 10 mars et puis à partir d'avril pour un triple vinyle collector, donc sorti semaine prochaine pour le CD, puis on aura bien sûr l'occasion d'ici quelques instants de vous offrir justement les premiers albums de Max Holder et de Manu Kenton qui seront présents en ce moment dans les studios de la radio et qui nous accompagnent depuis 18h jusqu'à 19h. L'album s'appelle All Night Long et il sera donc bientôt disponible chez votre disquaire. Alors, retour avec Max et Manu pour découvrir justement cet album. Pourquoi justement un album? C'est la question. Pourquoi? Parce qu'on avait fait d'abord un premier titre sur Loop. Ouais, Adrénaline et Cosinusix, qui avait bien marché d'ailleurs. Ouais, après on en a refait un sur 50 Hz, ce qui passe derrière là, justement, le Norton. D'accord. Et puis on s'est dit pourquoi pas faire un album, vu que ça avait plus ou moins bien marché. Donc dans la région, c'est pas. Enfin, les styles se ressemblent assez. Donc, et nous on a quand même essayé de. Enfin, de se différencier quoi. Puis, d'accord, par rapport à la scène actuelle. Voilà. Combien de temps pour réaliser un album complet? Environ. Ça dépend des titres en fait. Il y a des titres qui vont très très vite à faire. Et il y en a d'autres. Il y en a tu vas mettre 3-4 heures. Et il y en a tu vas mettre 3-4 semaines. Ouais, et, ça dépend. Et pour le Dark Angel qu'on a entendu juste très avant, long. Vous avez mis combien de temps par exemple? J'avais déjà commencé moi tout seul. Ouais. Pendant 3-4 semaines. Et puis après on l'a rebossé avec Max. On l'a laissé reposer et puis on a encore rebossé. Donc en gros, je pense qu'on a mis. Ouais, en fait, c'était le projet le plus lourd de l'album, à mon avis. Ouais. D'accord, parce que ça sonne pas vraiment votre son habituel. En général, on a plus l'habitude des trucs assez péchus. Là, c'est vraiment un truc bien minimal. Donc justement, c'est intéressant parce que c'est notre vision. Enfin, c'est votre vision, on va dire, de l'électro avec votre style, en fait. Ouais, voilà, parce que moi, quand j'étais résident dans un certain club. De la région, je ne citerai pas. Je commençais à 22h jusqu'à 1h du matin, je passais des trucs comme ça quoi. Il y a 2-3 ans de ça, c'était des Dada Punk. Max, à mon avis, maintenant il doit faire la même chose quoi. Ah ouais, c'est le warm-up. Voilà, c'est warm-up. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on fait de la musique de bourrin que. Ouais. En fait, je pense que. On aime que ça quoi. Il y a aussi quelque part, on voulait pas être catalogué seulement dans un milieu quoi. Faut dire qu'on aime, bien sûr l'électro, la minimale. Certes, notre style principal c'est techno, voire hard techno, mais bon, on aime d'autres choses aussi, donc on voulait le montrer aux gens. D'accord. Est-ce que vous avez été influencé par certains artistes, par exemple, par certains styles musicaux? Ouais, c'est Patrick Sébastien, le petit peu de monde. Ça, c'est vraiment pour la fin. Hein. Allez, autre extrait tout de suite à découvrir. Vous allez même le présenter? C'est Data One. Data One, oui. Data One. Alors pourquoi Data One? Non, à chaque fois, avec nous, le choix des titres, c'est toujours anecdotique, hein, parce que ça va loin, en fait. Je pense qu'on s'était tourné vers la gauche ou vers la droite, c'était écrit ça sur le synthé, donc c'est un nom de preset. D'accord. Dernière petite question avant d'écouter ces titres-là. Comment ça se passe? Vous travaillez toujours ensemble ou alors vous travaillez séparément puis après vous vous rassemblez pour... Pour l'album, on a tout fait ensemble. Ouais, la quasi-totalité, on avait... À part le dernier titre, le Monitor Out. Ah oui. Celui-là, Max l'a commencé, il m'a envoyé les parts et je l'ai terminé. Ouais. D'accord. Ok. Allez, deuxième extrait tout de suite de l'album de Max Holder de Manu Kenton qui s'appelle All Night Long. Voici Data One. Yeah. Galaxy, avec un instant un nouvel extrait du nouvel album de Manu Katon, Max Walder, qui nous accompagne jusqu'à 19h. L'album s'appelle All Night Long, disponible à partir de la semaine prochaine. Et justement, comme Manu et Max sont dans la radio, ils nous ont ramené quelques exemplaires de leur nouvel album. Et justement, on va pouvoir en faire gagner. Il n'y a pas de problème. C'est pas une bonne nouvelle. C'est la maison qui offre. Bah voilà. Il y en a combien à faire gagner pour ce soir? 5. 5, ouais. Donc un par quart d'heure, puis le dernier, ce sera pour moi. Voilà. Voilà, par exemple. En tout cas, donc tout de suite, vous pouvez nous appeler au 03 20 83 57 57. Si vous êtes 40e appel au standard de Galaxy, eh bien, vous pourrez obtenir ce nouvel album. All Night Long, c'est une exclusivité vu que ce n'est pas encore sorti. Et ça sortira donc à partir de la semaine prochaine. Donc 40e appel, 03 20 83 57 57. Bonne chance donc pour ce jeu-ci. Sinon, on continue la découverte de cet album avec un nouveau titre qui s'appelle Do You Remember. Est-ce que ça sonne un petit peu dans, par rapport au précédent qu'on a entendu, ou alors c'est carrément autre chose? Ouais, c'est un peu plus groovy techno. Ouais, c'est hard groove. Hard groove. Voilà, on va appeler ça comme ça. D'accord, très bien. C'était oui, c'était bien ça, hein. C'est bien le Do You Remember. C'est, ouais, bien c'est ça. D'accord, ok, je vois que Max il s'est emballé un petit peu, je sais pas. Non, mais en fait là c'est Monitor Out. Mais je sais pas, c'est pas grave, on le jouera après. D'accord, c'est vrai. Donc Monitor Out tout de suite, qui est le troisième extrait de l'album. C'est en exhibité sur Galaxy. Et puis bonne chance encore pour le jeu. 40e appel pour l'album de Manu et de Max. Galaxy avec un instant un nouvel extrait qui est déjà un peu plus hard, hein, depuis le Dark Angel là. Alors, on est monté dans la, quand même d'un niveau supérieur. En tout cas, n'appelez plus pour l'album de Manu Canton et Max Walder. Il a été remporté par Alexandre qui habite au Wascal. Rassurez-vous, il y aura encore 4 albums à remporter avant 19h. Donc un petit peu de patience. Alors, on va rappeler éventuellement donc les points principaux qu'on a développés déjà depuis tout à l'heure. Donc l'album s'appelle All Night Long. Il sera disponible à partir du 10 mars en format CD et puis en vinyle en avril sur un triple vinyle collector avec bon nombre de titres que vous retrouvez sur le CD forcément, et ça sortira donc sur le label Paradise Import. Alors, autre titre qu'on va découvrir dans quelques instants qui s'appelle Do You Remember. Voilà, moi j'ai le calé de la main droite, voilà, c'est bon, il y est calé. Petite anecdote ou alors quel style un petit peu pour ce c'est titre-là Pardon, c'est celui-ci qui est hard groove. Hard groove. Voilà. Donc c'est bien rythmé. C'est rythmé, sans être trop méchant. Sans être trop méchant. Voilà. Et ça. Do You Remember, parce qu'on a repris un vieux sample des années 90. And Jack Has the Groove. D'accord. Bon. Voilà. Pas mal. C'est bien, c'est bien. C'est le quatrième titre de l'album ou alors c'est plus sur le CD, c'est le deuxième titre. Sur le CD, c'est le deuxième titre. Ouais. D'accord. Donc c'est encore une exclusivité que Max Walder et Manu Canton nous font pour ce soir pour la découverte de leur nouvel album. Galaxy avec un instant une exclusivité. C'est l'un des tout derniers titres d'extrait de l'album de Manu Keten, Max Walder, qui s'appelle All Night Long. Le titre s'appelle Do You Remember et ça sortira donc à partir de la semaine prochaine. D'ailleurs, il y aura encore quelques CD à remporter juste après un autre titre qu'on va pouvoir découvrir d'ici quelques instants. Mais retour justement à propos de l'album de Manu Keten de Max Walder. Alors, si toutefois vous avez des questions à leur poser, ils sont complètement open, c'est pas vrai? Si, si, pas de problème. Ah, donc si vous avez des interrogations, je sais pas, si vous voulez leur parler en direct sur l'antenne, vous pouvez bien sûr nous appeler au 03 20 83 57 57 concernant bien sûr des questions sur l'album. Forcément, ne pas dévier sur d'autres choses. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter au 03 20 83 57 57. Donc retour sur l'album. Prochain titre qui s'appelle Shop Me Up. Shop Me Up. C'est encore plus hard que ce qu'on a entendu ou alors c'est un peu plus soft, ça redescend ou... Ouais, c'est entre les deux, c'est Chicago Tech en fait. D'accord. C'est style Bam Bam, Paul Langley, Jamie Bismir. Ça, ouais, c'est anglais. Y a, parce que apparemment il y a aussi un remix de Samuel Sanders. Tout à fait. Ah, on peut passer celui-là si tu veux. C'est celui de Shop Me Up. Ouais, voilà, exactement. Là, c'est SR24. Voilà, il y a SR24 en fait. Hein. Samuel Sanders en fait a travaillé sur plus. C'est déjà la fin de semaine pour Manu. On va aller faire dodo après. Bon, le Shop Me Up, d'accord, ok. Il y a deux versions qui existent pour le Shop Me Up. Ouais, l'original et un autre. Mix de QIC. Ah exact, voilà c'est ça. D'accord. Donc on va quand même passer l'original. Ouais. Histoire de découvrir un petit peu quel nouveau son justement avec donc Shop Me Up et juste après ce titre-là, on aura l'occasion de vous offrir un nouvel album donc de Manu Keten et Max Walder qui sont avec nous jusqu'à 19h. Motherfucker. Galaxy avec un instant un nouvel extrait de l'album de Manu Katon. Le titre s'appelle Shop Me Up. En tout cas, c'est le titre que vous venez d'entendre à l'instant. Exclusivité sur Galaxy. Et l'album s'appelle All Night Long. Justement, retour avec Manu Katon et Max Wilder qui sont avec nous déjà depuis 18h pour cette interview. On peut éventuellement donner quelques adresses MySpace, de site internet pour vous, pour que les gens en fait puissent en savoir un petit peu plus. Ouais, moi c'est djmanukenton.com. MySpace djmanukenton.com. Alors ouais. Et le mien c'est myspace.com/maxwilder et le site internet maxwilder.tk. Voilà. Vous êtes sûr qu'on va réussir à arriver jusqu'à ce c'est l'émotion. Alors justement, il y avait une question d'un auditeur en fait qui nous appelait juste avant. Il voulait savoir en fait avec quels artistes vous avez travaillé en fait pour l'album, notamment au niveau des remixes, etc. Qui apparaît en plus de vous sur cet album? Il y en a trois. Il y a Samuel Sanders de La Bûche. Ouais. Lethal MG et QIC. On avait demandé aussi à IMAX. Mais bon, il n'y a pas reçu. Ouais. Et puis on sent remix donc. Il voilà. Était en panne de portable. Ouais, il était en panne. Ouais. Et sinon, il y a un quatrième jeune artiste qui s'appelle Nicolas Claes qui a participé aussi. Ah ouais, il a fait un remix du Dark Angel sur l'album. D'accord. C'est qui est Nicolas Claes? Il a déjà signé des choses ou? Bah justement, son premier maxi sera signé sur mon label MW, ça sera le 001. D'accord, très bien. Et bien justement, à propos de collaboration, on va écouter tout de suite un remix signé par Samuel Sanders, que vous retrouvez bien sûr tous les week-ends à La Bûche. C'est bien ça? C'est ça, tous les vendredis. Tous les vendredis soirs. Et justement, on vous offre un deuxième album ce soir au 03 20 83 57 57. Vous nous appelez immédiatement et vous arrivez encore une nouvelle fois, 40e appel. Et vous aurez cet album All Night Long, signé par Manu Katon et Max Wilder. Bonne chance pour le 40e appel. Do you like scratching? Galaxy avec un instant un nouveau titre signé par Manu Katan et Max Wilder dans leur dernier album avec la collaboration de Samuel Sanders que vous retrouvez tous les week-ends du côté de La Bûche, donc le vendredi soir. Et puis ce titre-là donc sortira sur l'album de Manu Katan et Max Wilder qui s'appelle All Night Long. Sinon, on n'appelait plus du tout pour l'album de Max Wilder de Manu. Il a été remporté une nouvelle fois par une demoiselle que nous accueillons justement en direct sur l'antenne. Bonsoir Alexandra. Allô. Ah ben bah, voilà, apparemment elle n'est pas là. Allô, allô Alexandra, est-ce que tu nous entends? Non, bah apparemment elle a dû partir. Voilà, on a un petit problème apparemment de ligne. Voilà, ici elle doit aller normalement. Alexandra, est-ce que tu es là? Pas du tout. Bon, bah écoute, on a un petit problème technique apparemment. C'est pas grave, on va revenir immédiatement à la découverte de l'album. Alors là, on va monter d'un niveau supérieur, c'est ça? Ouais, ça c'est vraiment art tech. Ça s'appelle Amsterdam Feeling. Ouais. Pour moi, c'est celui que je préfère de l'album en fait. C'est ton préféré? Ouais, vraiment. Et j'aime bien aussi Fresh en fait. Je crois qu'on va le jouer après derrière. Mais ouais, c'est un de mes préférés. Celui-là, aussi. Celui-là, quand on fait un set hard, c'est bien lourd. Efficace. Ouais, c'est du lourd. Donc là, c'est plus vers la fin de l'album, vers le milieu de l'album. C'est la fin de l'album. Ouais. Donc là, on est monté un petit peu dans les BPM. Exactement. D'accord, tout de suite. Donc ça s'appelle Amsterdam Feeling et c'est en découverte Galaxy dans le nouvel album de Manu Katan, Max Wilder.